Bonsoir, amis et fidèles de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la soirée dont voici les grandes articulations. Le ministère de l'Intérieur a organisé ce samedi une marche-manifestation. Le porte-parole de ce ministère dit que c'est dans le cadre de dénoncer d'une part la position des pays européens et à la récente session de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et d'autre part pour remercier certains pays africains pour avoir soutenu le Burundi. La chenille légionnaire menace la culture du maïs en province Bubanza et le gouvernement du Burundi et les Nations Unies sont appelés à privilégier la voie du dialogue. L'appel du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Vous allez le suivre dans ce journal. Voici pour le sommaire. Tout de suite les détails. Albert Nouayo assure la mise en onde. Oben Yonguru à la présentation. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Bienvenue. Le ministère de l'Intérieur a organisé les marches et manifestations en mairie de Bujumbura. L'assistant du ministère de l'Intérieur, Terence Naïdaja, fait savoir qu'elles ont été organisées dans le but de manifester leur gratitude pour le groupe africain au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et rejeter la résolution proposée par l'Union européenne. Le point avec Eline Bell Nibigira. Ces manifestations ont été débutées au rond-point des Nations Unies en face du marché Kotebu en Ngagara. Les manifestants ont pris la destination du centre-ville. Parmi les écrits qu'ils portaient, ils exprimaient leur gratitude envers les pays du groupe Afrique au sein du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ils dénonçaient également la position du Rwanda et du Botswana pour avoir été les seuls pays africains à avoir voté la résolution sur le Burundi proposée par l'Union européenne. Ces manifestations ont été clôturées à la place de l'indépendance après le discours de l'assistant du ministère de l'Intérieur. Il a indiqué que ces manifestations avaient pour le but de rejeter la résolution proposée par l'Union européenne et exprimer la gratitude aux pays du groupe Afrique pour avoir soutenu le Burundi au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il a également ajouté que le gouvernement burundais ne va pas mettre en considération la résolution proposée par l'Union européenne. La résolution a été analysée en plénière en date du 28 septembre 2017 et la résolution a été votée. Nous avons été contents. Deuxièmement, c'est de remercier, de présenter au nom du gouvernement burundais les nécessaires remerciements pour les pays africains, tous d'ailleurs qui ont appelé le Burundi, excepté bien entendu le Rwanda et le Botswana, qui ont voté contre. Par ailleurs, le Rwanda a même fui le vote de ce jeudi, le 28 septembre 2017. C'est pour remercier également les pays du continent asiatique, alors la Chine. Des marches et manifestations avaient vu la participation d'autres autorités comme le conseiller principal à la présidence chargée de la communication, le conseiller principal du maire de la ville, ainsi que les parlementaires et d'autres dignitaires. Eline Bell Nibigira, stagiaire à la radio Isanganiro. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme interpelle les Nations unies et le gouvernement burundais à privilégier le dialogue pour se convenir sur les modalités de travail des deux mécanismes d'enquête mis en place à Genève. Jean-Baptiste Badiwanekeza, président de cette commission, estime que les deux parties devraient éviter la voie de la force car improductive, précise-t-il. On l'écoute au micro de Joseph Sabiabandi. Les deux commissions sont des commissions internationales et sont toutes les deux mises en place par le Conseil des droits de l'homme. La différence, c'est que la première commission, c'est une commission technique, ça veut dire un groupe d'experts qui est mis en place au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et qui est censé donner son rapport à la justice burundaise, ce que nous soutenons d'ailleurs. Alors que la deuxième commission, c'est l'ancienne commission d'enquête, en fait, qui a été renouvelée pour un an, sur demande de l'Union européenne, encore une fois. La position du Burundi est tout à fait compréhensible au vu des circonstances dans lesquelles l'ancienne commission d'enquête avait été mise en place et au vu, en fait, de sa difficulté, encore une fois, à inspirer confiance par rapport, justement, à la base de sa mise en œuvre, la base factuelle qui était le rapport de l'ENIB et qui contenait, évidemment, beaucoup de contre-vérités, mais aussi l'échec par rapport à la négociation qui n'avait pas eu lieu avant d'aboutir à cette résolution qui avait mis en place la commission d'enquête. Donc l'important, je pense, c'est de, pour les Nations Unies et leur gouvernement, encore une fois, de renouer le dialogue par rapport à toutes ces procédures et d'éviter une démarche unilatérale, parce que la commission d'enquête, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, reflète plutôt une démarche unilatérale conduite essentiellement par l'Union européenne dans l'objectif de résoudre les questions des droits de l'homme au Burundi, mais nous suggérons évidemment plutôt une démarche dans les deux sens qui permet en fait de s'entendre sur un mécanisme favorable à l'avancée des questions des droits de l'homme dans le pays. Jean-Baptiste Balibonakeza est président de la CNIDH. Le gouverneur de la province de Rumonge a décidé ce samedi d'interdire toutes les activités des femmes qui cuisinent pour les pêcheurs dans cette province. C'est après une marche-manifestation de ce samedi des femmes et enfants de Magara contre ces femmes qui préparent la nourriture des pêcheurs du lac Tanganyika qui les accusent d'être à l'origine de plusieurs cas de divorce. Jean-Pierre Misago. Toutes les femmes qui cuisinent pour les pêcheurs de 2700 unités de pêche que comptent les 8 plages de la province de Rumonge n'en ont plus au droit depuis ce samedi. De plus, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, a ordonné que toutes ces femmes qui ne sont pas originaires de la province de Rumonge rentrent immédiatement chez elles. Mais, comme la constitution burundaise autorise tout Burundais à s'installer où il veut sur le territoire national, celle qui restera en province Rumonge devra être surveillée si elle a réellement un emploi. Ces activités devront être désormais effectuées par de jeunes gens qui s'initient dans la pêche et ceux qui n'en ont pas devront les chercher ou se rationner dans les restaurants. Le gouverneur de Rumonge dit que ces femmes sont parmi les principaux facteurs de contamination du VIH-SIDA, mais aussi elles sont à l'origine de plusieurs abandons scolaires enregistrés en province de Rumonge. Une note comportant toutes ces mesures sera affichée sur toutes les plages de la province de Rumonge d'ici mardi et toutes les personnes militant en faveur de la paix et de la stabilité des familles est appelée à dénoncer les récalcitrants pour les ramener à l'ordre. Ces mesures ont été arrêtées après une marche de manifestation des femmes et enfants de Magara ce samedi matin contre le déshabillement ce jeudi soir par la coalition de Seba Pichi, une femme qui réclamait son tricot à une de ses femmes, un tricot que son mari pêcheur qui l'avait donné a carrément refusé de ramener. Saïdate Nishimwe, représentante de ces femmes bapiche de la commune de Rumonge, reconnaît que certaines d'entre elles sont à l'origine des dislocations des familles, mais dénonce cette globalisation et se demande comment les bapiches intègres pourront désormais vivre. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Poursuivons avec ce journal. Plusieurs hectares de champs de maïs sont déjà ravagés par la chenille légionnaire dans la province de Bubanza. Les cultivateurs désespèrent et demandent que le ministère de tutelle fasse tout pour limiter les dégâts. Spes Caritas Cabanyan. Les cultivateurs dont le maïs a déjà poussé lors des premières pluies dans cette province de Bubanza désespèrent puisque leurs champs sont encore une fois attaqués par la chenille légionnaire et comme l'année passée. Ils disent qu'ils ont essayé d'utiliser plusieurs produits phytosanitaires mais sans succès et demandent qu'il y ait des experts pour suivre de près ce qui est de cette chenille légionnaire. Athanase Nimagalitse, conseiller au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui tenait une réunion ce vendredi à Bubanza envers le personnel de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage et les partenaires pour la préparation de la saison culturelle a indiqué que le ministère est au courant de cette chenille qui fait ravage et qu'on est en train de voir comment la contrecarrer. Oui, nous sommes au courant de l'apparition de cette chenille parce que ça fait ravage dans presque toutes les provinces du pays. C'est une chenille légionnaire, une chenille qui attaque beaucoup le maïs, mais aussi d'autres cultures, mais surtout les plantes hautes, c'est la culture de maïs. Les produits efficaces sont l'ortel en premier lieu et le disban granulé. Ces produits se trouvent, donc les gens cherchent, les agriculteurs, les uns disent qu'ils s'arrangent pour les trouver, même en dehors du pays. Sinon, ce sont des produits chers. Les cultivateurs dont les champs sont déjà détruits demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour leur donner d'autres semences. Spes Caritas Kabanyana Bubanza, Radio Isanganiro. Toujours dans la page agriculture, mais cette fois-ci en province Karoussi, les associations des agriculteurs de la commune Bouhiga demandent qu'elles soient aidées pour que ces associations deviennent des coopératives en vue de pouvoir continuer leur projet après le départ de leur bailleur, le responsable de l'ONG Réseau 2000 qui aide les agriculteurs dans cette province indique qu'avec les responsables de l'administration va plaider pour ces associations. Ils l'ont dit lors du lancement de l'année agricole ce vendredi. Blaise Pascal Kararoumiye. Le président du collectif des associations des agriculteurs de la commune de Bouhiga en province Karoussi demande qu'il faut que ces associations des agriculteurs puissent être aidées pour que les formes des coopératives. Elinda Ikengurutse s'inquiète qu'après le départ des ONG qui aident ces associations, leur donnant des financements, ces associations tomberaient en ruine. Il explique qu'une fois elles sont en coopérative, leurs projets vont continuer suite à la loi des coopératives qui les protégerait. Cet avis se trouve aussi confirmé par le coordinateur provincial de l'ONG Réseau 2000+, qui l'a dit ce vendredi lorsqu'il était à la colline Nzivaliwa de la commune Bouhiga avec tous les responsables de la province et de la commune, les représentants des associations des agriculteurs des communes Bouhiga et Chombo, agriculteurs aussi multiplicateurs des semences. À cette occasion, ils ont lancé l'ouverture de l'année agricole et ces derniers ont confirmé qu'ils vont plaider pour que ces associations d'agriculteurs arrivent à cet objectif. Ils font expliquer qu'en coopérative, ces agriculteurs, aussi multiplicateurs de semences, pourront avoir plus de production et aider directement par l'ISABU pour l'approvisionnement en semences sélectionnées, mais aussi aider par l'ONCCS pour la validation de leur production en semences de qualité dont les agriculteurs ont actuellement besoin. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio Isanganiro. Page éducation, une insuffisance de matériel scolaire se fait remarquer dans certaines écoles de la province de Mwaro. Cela se remarque surtout pour les bons pupitres et les livres. Certains cours ne sont pas encore étudiés au moment où nous arrivons à la troisième semaine après le début de cette année scolaire. Laurent Ndikuriyo. Au moment où l'année scolaire 2017-2018 vient de passer trois semaines, la province scolaire de Mwaro connaît une insuffisance en bancs pupitres. Selon certains responsables de l'enseignement dans les communes de cette province, plusieurs écoliers doivent partager un même banc, ce qui ne facilite pas leur apprentissage. En commune de Nyabihanga, par exemple, il manque encore 700 nouveaux bancs pupitres. 5 à 6 écoliers doivent s'asseoir sur un même banc, surtout dans les premières années où on a connu un effectif important avec cette année scolaire, d'après le directeur communal de l'enseignement dans cette commune, Eugène Nabiriho. Il dit que, par exemple, la première année à l'école fondamentale d'Ottawa, il y a 236 écoliers dans une même classe. En commune de Lusaka, il manque 970 nouveaux bancs pupitres. Ce problème se remarque dans les nouvelles écoles et succursales ayant été créées cette année. Le directeur communal de l'enseignement en commune de Lusaka, Célestin Chimilimana, dit qu'à certaines écoles, les écoliers s'assoient sur des planches fixées sur des piquets suite au manque de bancs. En commune Gisozi, il manque 420 nouveaux bancs pupitres. Le directeur communal de l'enseignement en commune Gisozi, Christophe Garungu, dit qu'aux écoles fondamentales de Kiang et Nyamatovo, 3 à 4 écoliers partagent un même banc. L'insuffisance en livres du maître au poste fondamental fait que certains cours ne sont pas encore vus jusqu'aujourd'hui en commune Nyabihanga. C'est surtout les cours de mathématiques, chimie, biologie et psychopédagogie, tandis que les livres de maths et ceux de langue manquent encore en commune de Lusaka. Dans cette même commune, l'on signale un manque d'environ 2 enseignants sur certaines écoles fondamentales accolées aux écoles primaires, alors que le recrutement des professeurs vacataires n'est pas encore autorisé. De Mwaro, Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro. Merci aussi à toi, Laurent. C'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Mais tout de suite, ça sera le moment de la revue de presse. Vue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue de presse par ces propos du ministre burundais des Finances, repris par le journal Iwachu. Notre souhait est qu'à l'avenir, le budget général de l'État soit financé à 100% par des ressources propres. Il a exprimé dans un discours d'ouverture de l'atelier sur la stratégie de mobilisation accrue des ressources de l'État le 21 septembre. Sa proposition est sévèrement critiquée, à en croire l'hebdomadaire, surtout par des analystes économiques. Elle est même qualifiée de mirage, illusion, utopie, langage populiste, etc. Le ministre avait pourtant donné des pistes à exploiter pour gagner le pari. Mais les analystes n'en démordaient pas. Ils démontrent combien il est difficile qu'un pays qui dépendait à plus de 50% de l'aide extérieure puisse s'autofinancer totalement. Il y aurait deux options, selon encore Iwachu. La hausse des impôts et taxes, ainsi que la réduction des dépenses publiques. Cependant, il n'est pas fiscalement rentable de dépasser un certain taux de prélèvement. Un taux d'imposition de 100% réduirait les recettes de l'État comme peau de chagrin, soutient-il. L'hôpital militaire de Kamenge, un centre à la satisfaction des patients, selon encore l'hebdomadaire Iwachu. Il vient en effet de se doter d'un nouveau bâtiment. C'est un immeuble à quatre niveaux qui ne passe pas inaperçu quand l'on passe au boulevard du 28 novembre. Il couvre notamment les services d'accouchement, les hospitalisations gynécologiques, le service de néonatologie et celui de pédiatrie. Le centre mère-enfant possède aujourd'hui 150 lits contre 55 auparavant. Les frais d'hospitalisation ont été revus à la hausse. L'hôpital n'assurait pas le confort, celui qui le veut se le paie, explique le chef de service à l'hôpital militaire de Kamenge, cité par l'hebdomadaire. Les chambres se payent suivant leur confort. Le manque de courant électrique déstabilise la capitale, écrit l'agence en ligne Net Press. À en croire sa dépêche du 29 septembre, le matin, les groupes électrogènes étaient en marche dans la plupart des magasins et bureaux du centre-ville de Bujumbura. Les détenteurs de salons de coiffure se plaignaient du fait qu'ils allaient arrêter les activités faute de carburant. Dans des cybercafés, les activités ont été également paralysées. Les gens se demandaient ce qui a changé à la régie des eaux qui vient de voir à la hausse les prix de l'électricité, arguant que c'est pour la rendre disponible en permanence. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse écrit sur le lancement des activités du Forum provincial des droits de l'homme. L'activité a été organisée le 26 septembre par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en province Cibitoke. C'était un atelier qui regroupait les administratifs communaux, les responsables judiciaires et policiers, les représentants des confessions religieuses et de la société civile. L'objectif était de leur permettre d'échanger sur les préoccupations liées aux droits de l'homme. L'inauguration du dit forum s'est focalisée sur la lutte contre les violences basées sur le genre, à en croire encore l'ABP. En éducation, le lycée municipal de Gasegni serait le porte-flambeau des effectifs élevés en première année post-fondamentale. Les directions scolaires se lamentent, surtout pour les classes de 7e et 1ère post-fondamentale, selon la voix de l'enseignant. Au lycée municipal de Gasegni, en commune urbaine de Narangwa, les effectifs dépassent 175 élèves dans la section sciences, entassés dans un hall, et 145 de la section langue dans un autre. Les enseignants se disent dépassés. La direction compte les scinder en deux classes parallèles, mais se heurterait à un manque d'enseignants après le redéploiement. Le magazine Burundi Echo se demande s'il est possible de fermer les cabarets et restaurants sans toilettes ni eau. Il revient sur la mesure du maire de la ville de Bujumbura qui a ordonné la fermeture des cabarets et restaurants qui n'ont ni toilettes ni eau. Le commissaire municipal de la brigade de salubrité indique que cet appel renforce le travail de routine. Pour lui, les conditions d'hygiène sont remplies lorsqu'il y a une toilette bien aménagée, disposant d'eau potable. Le nombre de toilettes dépend de la grandeur du cabaret ou de restaurant. Les zones de Buyenzi et de Brisa disposent de pas mal de cabarets et restaurants qui ne remplissent pas les normes renchéries. Burundi Echo. Allô les jeunes Burundais, ouvrez les yeux. Il s'agit ici d'un clin d'œil de la communauté de blogueurs Yaga. Elle écrit que la jeunesse burundaise se plaindrait du manque d'opportunités dans leur pays. Ce qui n'est pas faux par ailleurs, si l'on en croit le billet. Pourtant, poursuit-il, les occasions pour poursuivre ses rêves n'en manquent pas. Il suffit de savoir où les chercher. Yaga parle en effet des réseaux sociaux qui grouillent d'appels à candidature pour des bourses d'études, des formations variées, des conférences pour lesquelles des jeunes Burundais peuvent postuler. Et pourtant, le nombre de Burundais qui se portent candidats à ce genre de programme reste tristement bas. Et au blogueur de dire, je cite, « Le monde est grand, voyons grand ». Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Francine Ndokugayo et Léon Sebitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.